Matthieu, chapitre 8, et nous continuons ensemble d'étudier ce merveilleux livre de l'Évangile de Matthieu. Et on se souvient que Matthieu a un désir profond, c'est de présenter à son peuple, Matthieu était un juif, il était quoi avant, hein? Qu'est-ce que ton métier qu'il faisait avant? Un publicain, hein? Il était un publicain, un homme qui... un collecteur de taxes ou d'impôts. Si c'était comme dans notre temps, on ne les aime pas. On est chrétien, on devrait les aimer, mais c'est donc dur des fois, hein? Mais lui était un collecteur d'impôts pour l'Empire romain, il était juif. Il se convertit par la grâce de Dieu, Jésus le choisit, et il finit par écrire un évangile. Et son désir profond, c'est d'emmener ses compatriotes, ses amis, sa famille, ses frères, ses sœurs juifs, de comprendre que Jésus, c'était le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est son but premier. Il n'a pas écrit pour nous, dans un certain sens, directement, les gens du Québec. On en bénéficie, on comprend, on lit aujourd'hui, on voit que Jésus était vraiment le Messie. Mais il l'a fait, lui, surtout pour ses compatriotes. Et c'est pour ça qu'on a vu ensemble qu'il va dire quasiment 25 fois, « Ainsi s'accomplissent les prophéties. Ainsi s'accomplissent ces prophéties. Ainsi s'accomplit ce qui avait été écrit. Ainsi s'accomplit ce que le prophète avait proclamé. » Il va dire ça quasiment 25 fois pour prouver que Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Et donc, il est le Messie, le roi des Juifs. Mais quand on avertissait, quand on disait qu'un roi s'en venait, le peuple, qui est un peuple qui est en difficulté avec son roi, avec son Dieu, vous vous souvenez que quand le Nouveau Testament commence, entre Malachie et Matthieu, dans votre Bible, il y a combien de pages? Une page. Mais entre Malachie et Matthieu, il s'est passé combien d'années? 400 années. Ça fait 400 ans que Dieu n'a pas parlé à son peuple. Si vous faites aussi longtemps avec votre femme, c'est parce que quelque chose ne marche pas. Et quand Dieu ne parle pas avec son peuple pendant 400 ans, il est en train de lui passer un message. Ça ne va pas, mon chum. Ça ne marche pas. Et là, les prophètes avaient dit ça. Du coup, les gens arrivent et disent, « Le Messie est arrivé. » Et en plus, ils l'ont tué. Et on a un petit exemple dans Actes des Apôtres, comment est-ce qu'ils voient ça. Ils ont, en québécois, si vous me permettez, ils ont la chienne. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a tué! Qu'est-ce qu'on va faire? On l'a tué, Matthieu! Et Matthieu va leur parler dans chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10. Le roi qui s'en vient, c'est un roi compatissant. N'ayez pas peur. C'est un roi compatissant et un roi miséricordieux. C'est ça qui m'a amené à l'Évangile en grande partie, moi. J'étais dans une famille où ce que Dieu était très sévère, très malin, très exigeant. Tout le monde, presque, s'en allait en enfer. Quelques-uns passaient un petit peu de temps au purgatoire avant de passer au ciel. Et quand j'ai entendu l'Évangile pour la première fois, ce qu'on m'a dit, Dieu t'aime, François, il veut tout te pardonner, t'amener au ciel. Wouhou! C'est toute une histoire, ça, pour moi, ça. Je dis, waouh! Ça se peut pas. Ça serait bien trop facile. Ça serait bien trop beau. Mais pourtant, c'est la vérité, vous savez. Et si Matthieu va faire la même chose, ce Dieu-là, ce roi-là qui s'en vient, qui est en train d'établir le royaume de Dieu, c'est un roi compatissant, un roi miséricordieux. Et il va leur prouver, il va leur montrer, il va leur donner des faits, des histoires, des événements, des discours de la part de Jésus pour montrer qu'il est compatissant. Et une des grandes choses que l'être humain a la difficulté à comprendre, souvenez-vous de ça quand vous allez annoncer l'Évangile. Ils ont bien de la misère à comprendre et à accepter et à croire que Dieu est compatissant et miséricordieux. Et c'est pour ça que toutes les religions du monde ne présentent pas des dieux compatissants et miséricordieux. C'est des dieux qu'il faut apaiser. Des dieux qu'il faut payer. Il faut leur donner quelque chose pour qu'ils nous acceptent. Il faut leur donner des choses pour qu'ils nous pardonnent. C'est parce qu'ils ne sont pas compatissants, eux autres. Mais le Dieu, ou le Messie, ou le roi que Matthieu présente à sa famille, à ses amis, c'est un roi compatissant et miséricordieux. Et je vais vous dire une chose. Vous allez avoir autant de misère à les convaincre, les inconvertis, que Dieu est compatissant et miséricordieux, que de les convaincre qu'ils ont besoin de se repentir. C'est aussi Dieu. Parce que ce n'est pas dans la nature humaine de pécheurs que nous sommes de croire à la compassion de Dieu. On ne croit pas ça. Et Jésus va... C'est pour ça que je crois que Matthieu, pendant 3 chapitres, sur 28, il va s'efforcer de démontrer la compassion de Jésus-Christ pour un peuple rebelle, un peuple pécheur, un peuple qui avait rejeté son Dieu, un peuple qui était idolâtre. Il va leur montrer qu'il est compatissant. Qu'est-ce que ça veut dire le mot compassion? Parce qu'on va en parler pendant les prochains X semaines. Ça veut dire quoi la compassion? Prenez un dictionnaire maintenant. Ça veut dire quoi le mot compassion? Avoir de la pitié, c'est pas mal là, Denise. La compassion est un sentiment de pitié pour le malheur d'autrui. Pour le malheur d'autrui. Tu vois quelqu'un dans le malheur spirituel, dans le malheur physique ou matériel, dans le malheur corporel ou dans sa santé, et tu as pitié, tu as de la compassion pour cette personne-là. Tu souffres avec la personne. Cette compassion-là, on va voir dans la Bible, cette compassion-là, quand vous avez de la compassion pour quelqu'un, vous ne pouvez pas rester sans action. La compassion pousse toujours à l'action. Je ne peux pas dire, pauvre lui, attends, la planche s'en vient. Et tu t'en vas. Ou bien non, Jacques, il va le dire autrement. Tu ne peux pas dire, oh mon frère, t'es dans le visage, je vais prier pour toi. Bye! Et tu fais rien. Tu peux pas, t'as pas de compassion quand tu dis ça. La compassion dit, t'es dans la misère, qu'est-ce que je peux faire? Et tu vas aller vers la personne, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là? Tu as de la compassion pour les gens qui ont des difficultés matérielles, tu vas mettre la main dans ta poche si tu peux, et tu vas sortir quelque chose, tu vas leur donner. Tu vas dire, je vais t'aider. Et imaginez-vous, si nous, on peut avoir un petit peu de compassion en tant que chrétiens, par la grâce de Dieu, imaginez-vous la grâce elle-même personnifiée dans la personne de Jésus qui se promène sur la planète et qui voit toute la misère dans laquelle l'être humain est. Comment il sait? On va le voir dans les versets qui s'en viennent. Il y en a mal au ventre. Il y en a mal au ventre de voir toute cette misère que l'être humain s'est mis dedans. Lui, c'était le créateur. C'était encore plus sensible. Je suis plus sensible à la misère de mes enfants qu'à la misère des voisins. C'est naturel pour nous autres. Et le créateur descend sur la planète, lui qui a créé ce monde-là, lui qui a fait ce monde-là, il se promène là, puis il voit les ténèbres, il voit la noirceur, il voit la souffrance, la mort, la haine, la colère, la meurtre, les viols, tout ce que vous voulez voir, il le voit, puis il a de la compassion. Il veut faire de quoi pour ces gens-là? Il veut faire de quoi pour ces gens? Est-ce que c'est ça que nous allons voir pendant 3 chapitres? Et un des exemples de la Bible qui parle beaucoup de la compassion, que Jésus a conté lui-même, ça sert à quoi l'histoire? Ça vous vient-tu à l'esprit? Vite! Le bon samaritain. Hein, on a deux qui passent et qui auraient probablement dit, si on lui avait demandé, avez-vous de la compassion? Il a dit quoi? Ben oui! Ils ont passé aux côtés du gars à terre, sur le blessé sur le bord du chemin. Oh! Et on a le Samaritain qui passe. Et lui a de la compassion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Il ramasse. Il met sur son âme. Il l'amène à l'hôtel. Il paye ses dépenses. Et le bande le lave. Compassion égale action. On va apprendre ça pendant les semaines qui s'en viennent. On va répéter ça souvent. compassion égale toujours action. Donc, je peux évaluer mon propre cœur. Pas d'action, pas de compassion. Pas d'action, pas de compassion. Ça va ensemble. On ne peut pas dire qu'on a de la compassion si on ne passe pas à l'action. Si vous êtes dans Matthieu 8, on va pas lire tout de suite le verset 1. Et là, en même temps qu'on va regarder la compassion de Jésus-Christ, on va étudier un concept ou une vérité ou un sujet, c'est le mot que je cherchais, un sujet biblique qui était touché en même temps, qui est bien débattu dans les églises évangéliques, et même dans les églises baptistes, même dans le même mouvement. On va parler de ce qu'on appelle les miracles, les guérisons. On va parler de ça en même temps. Parce que vous allez voir, pendant 3 chapitres, il va parler de miracles et de guérisons. Mais il ne faut pas falloir oublier qu'on est dans Matthieu. Il est en train de vouloir prouver que Jésus est le roi et qu'il était un roi compatissant. Il ne faudrait pas sortir ça du contexte, aller à l'hôpital avec pour oublier tout ce qui s'est passé dans Matthieu. Vous n'aurez pas à aller voir quelqu'un, puis imposer les mains, puis dire, ben là, on va oublier ce que Matthieu a dit, on va faire un miracle ici. Il faut toujours se souvenir que tous ces miracles-là qu'on va étudier sont dans un contexte bien précis, d'un homme qui est en train de parler à sa famille que Jésus est le Messie, le Dieu vivant, qui vient sauver le monde, et là, il va parler de ces miracles qu'il a fait. Il ne faut pas oublier ce contexte-là. Sans ça, on va complètement par des pédales. Et le verset 16 et 17, on va lire ça ensemble. Oh, excusez, je vais mettre au mur. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, et les chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse. Les 25 accomplissent ce que je vous ai parlé tout à l'heure, là, hein? Ça en est un, ça, ici. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe. Hein? Je ne comprends pas. OK? 16? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, et tous ces miracles qu'il va faire, toutes ces guérisons qu'il va faire, toutes ces résurrections, le fait qu'il a chassé les démons, il y avait un but, lui-là. Un but, c'était Jésus-là. Il veut prouver qu'il était le Messie. Il veut accomplir ce que le prophète avait dit. Une façon de reconnaître le Messie, c'est qu'il va se charger sur lui, il va mettre sur lui les infirmités du peuple, les maladies du peuple, il va mettre sur lui tout ce qu'il voit de souffrance. Pouvez-vous vous imaginer? Toute la souffrance qu'il va voir, il va la prendre, il va la mettre sur lui. Il ne va pas les prendre et les jeter ailleurs. Ça aurait été simple, ça, hein? On fait ça, nous autres. C'est notre ordinateur erase, on ne le prend pas, on l'envoie dans la poubelle. Jésus n'a pas pris les maladies et les jeter dans la poubelle. Toutes les maladies, les infirmités, il les a pris et il les a mis sur lui. C'est pour ça que des fois, vous allez voir qu'il y a des gens, qu'on va voir ensemble, des gens qui font des. Ils demandent un miracle à Jésus en sournois un petit peu, comme la femme, on va voir, qui vient toucher le manteau. Jésus le ressent tout de suite. Il sait quelque chose qui se passe dans lui. Là. C'est passé quelque chose ici, là. Il y a quelque chose qui est sorti, il y a quelque chose qui est rentré aussi. Il n'y a pas juste quelque chose qui est sorti, il y a quelque chose qui est rentré. Il s'est chargé de la maladie de la femme, puis il a donné la santé. Il n'a pas juste dit, hey, il a sorti quelque chose, mais non, il s'est chargé de. Il a mis sur lui des choses. Donc, tous ces miracles qu'on va voir ensemble, il faut toujours se rappeler, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Il y avait un but, lui. Quand il a eu fini de faire tous ces miracles-là, il voulait que les gens croient quelque chose. Il voulait qu'ils croient quoi? Qu'il était capable de faire des miracles? Ben non. Qu'il était le Messie. Crois en lui. Même si vous croirez Dieu comme faire, que Dieu peut faire des miracles, si vous ne croyez pas en lui comme étant le Sauveur, le Messie, vous allez mourir en santé, mais en enfer. Mais il dit, je veux que vous compreniez ça. Donc, Jésus va avoir ce but-là. Si vous tournez un petit peu plus loin dans votre Bible, dans 9, 35, 36, vous connaissez peut-être ce passage-là par cœur. 35, 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle est languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et là, il voit, il ressent, il vit la souffrance, non pas physique à ce fois-là, mais la souffrance spirituelle des gens. Ils sont abattus, ils sont découragés, ils sont sans berger. Et là, il parle de leur état spirituel et il veut faire de quoi pour ça aussi. Il ne veut pas faire de quoi juste pour le mal de pied, ou leur mal de tête, ou leur mal de dos. Il veut faire de quoi aussi pour leur maladie spirituelle. Et c'est là qu'on va voir que la guérison spirituelle est une guérison aussi. Ce n'est pas juste la guérison physique qui est un miracle. La guérison spirituelle est aussi un miracle. Si vous êtes nés de nouveau ce matin ici, vous êtes tous des miraculés. Je ne sais pas si j'invente le mot, mais vous êtes tous des miraculés, toute la gang, moi aussi. On est le fruit d'un miracle. On est le fruit d'un miracle. On n'est pas le fruit de quelque chose qui est arrivé par hasard. Et il va continuer à sauver des gens et à guérir des gens spirituels parce qu'il convainc les gens qu'il est Messie. Donc, tous ces chapitres-là qu'on va voir ensemble, rappelons-nous, il est en train de vouloir convaincre ces gens-là qu'il est le Messie. Il y a des buts, il y a des raisons. Et nous, on a tendance, aujourd'hui, c'est ma compréhension, c'est ma perception, on a tendance à prendre tout ce qu'on appelle de miracle, même les miracles spirituels, même la nouvelle naissance, on a tendance à prendre ça, puis à ramener ça, puis à se mettre ça sur le nombril, puis dire c'est moi qui suis le centre du monde. On a tendance à penser que le miracle, c'est pour moi. Comme le gars qui se fait guérir de sa jambe, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir courir et marcher. Jésus n'a pas fait ça pour ça. Le but ultime en te guérissant de ta jambe ou ton cœur, c'est que tu viennes à la foi en lui. Ça, c'est un des premiers buts qu'on va voir ensemble dans ces trois chapitres-là. Il veut, par ces miracles qu'il fait alentour, les gens, il veut les convaincre que lui, qui il est, qu'est-ce qu'il nous fait. Les gens qui n'ont pas de foi. On va voir en s'en allant qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de foi et que Jésus fait des miracles afin qu'ils puissent croire en lui. Il fait ça. Il va guérir un lépreux qu'on va voir ensemble. Il va dire au lépreux, va au temple, fais le sacrifice qui est demandé par la loi afin que cela les serve de témoignage, afin qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé et qu'ils croient en moi. Il va dire ça pendant plusieurs versets dans Matthieu 8 et 9 et 10. Il va parler à des gens non-croyants, il va leur faire du bien, ou il va leur faire bénéficier de sa force, de sa puissance, de sa grâce, pour qu'ils puissent croire qui il est, lui. Qui il est. Deuxième but qu'il va avoir, en faisant des miracles, c'est de fortifier la foi de ceux qui l'ont déjà. Il va dire à plusieurs reprises, il va dire, « Va, ta foi t'a sauvé. » Donc, la personne a déjà la foi. Elle vient à Jésus, elle demande quelque chose à Jésus, et Jésus fait un miracle dans sa vie, et sa foi est devenue plus grande et plus forte. Mais la personne-là, elle avait déjà la foi, elle. Elle croyait déjà en Jésus. La femme, avec la perte de sang, va être une de ces exemples-là. Le centenier. Jésus va dire quoi au centenier? « J'ai jamais vu de foi aussi grande. » Dans tout le peuple d'Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Donc, sa foi, lui, c'est qu'il a déjà la foi en Jésus-Christ, et la foi en Jésus comme étant quelqu'un de spécial. Et Jésus va fortifier sa foi, ou va amplifier sa foi dans le sens qu'il va la rendre plus compréhensible, plus intelligente, afin qu'il comprenne bien que cet homme-là qui parle devant lui est quelqu'un de plus que juste un être humain, un sauveur être humain. Il est aussi Dieu, il est aussi le Messie. Plusieurs, on va voir ça dans, avec le celui qui est le paralytique. Et là, il va quoi? Il va dire quoi? Les voyants arriver, les quatre gars avec le paralytique, il va dire quoi? Voyant leur foi. Voyant la foi du paralytique, il va lui dire quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Et là, il va faire un miracle spirituel. Tes péchés te sont pardonnés. Et là, à cause qu'il a vu la foi, il va fortifier la foi de cet homme-là, parce qu'il a déjà la foi. Donc, ça, c'est le deuxième but qu'il va avoir. Un, premier but, ça va être d'amener les gens à la foi en lui. Deuxième but, c'est d'amener les gens à fortifier la foi de ceux qui l'ont déjà. Et le troisième but, c'est de convaincre qu'il est le Messie annoncé par le prophète Isaïe. Donc, il y a trois buts. Quand on parle de miracle autour de vous, quand on parle de miracle dans votre vie, quelque part, n'oubliez pas ces trois buts-là, cette année. Jésus n'a pas le but de faire de la terre un paradis où il n'y a pas de souffrance. Si ça, c'est ça, il aurait manqué son coup. Hein? Parce qu'on vit dans ce monde-là et qu'il y a plein de souffrance dedans. Il y a plein de souffrance dedans encore. Le but, ce n'était pas d'enlever la souffrance dans le monde, ni d'enlever la souffrance dans la vie des gens. Ce n'était pas son but. Et donc, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ces trois chapitres de grande compassion. On va voir. Et souvenez-vous bien que ce monde dans lequel il va évoluer pendant ces trois chapitres-là, c'est un monde qu'il a rejeté. C'est un monde qui le hait, qui hait Dieu. Ils sont tous comme nous, des ennemis de Dieu. Ils sont tous après lui pour avoir quelque chose de lui. Il n'y a personne qui veut lui donner rien à lui. Donc, ils veulent tous avoir quelque chose de lui. Mais ils ne veulent rien lui donner à lui. Ce même le peuple, Josephus, s'il a dit vrai, l'historien du temps de Jésus, s'il a dit vrai, il dit que Jésus a quasiment banni toute maladie du pays pendant son temps de ministère de 3 ans. Vous vous souvenez, hein, des places sont 10 000, 15 000, c'est marqué que Jésus guérit tous les malades qui étaient là. Puis il en emmenait des malades, je vous garantis. Hein, vous vous souvenez que quand il savait que Jésus était pour venir dans une ville, qu'est-ce qu'on faisait? On passait ça dans l'information du Nord. Puis on disait, Jésus arrive, il va être ici samedi. Et vraiment, ça venait juste de Val-d'Or, il emmenait le malade ici. Il emmenait tout le malade ici, mon gars, ça s'en venait là, ça s'en venait, puis il emmenait tous les malades afin que Jésus puisse les guérir. Et la Bible nous dit qu'il les guérissait tous, pas juste quelques-uns, tous. Imaginez-vous l'impact que ça faisait. Une grande compassion pour un peuple de rebelles. Savez-vous, moi, que ça me consomme? C'est capable d'enlever la maladie d'une personne rebelle, je parle de maladie physique. Si je suis capable, si je vois ça de faire dans la Bible, par Jésus qui le voit, ça me convainc quoi? Qu'il est capable aussi de guérir spirituellement un rebelle que j'étais. Quand je le vois ressusciter des morts, comme Lazare, qui était un pécheur aussi, ça m'aide à croire qu'il est capable de me ressusciter spirituellement. Parce que je ne suis pas meilleur que Lazare, je ne suis pas pire que Lazare, pas meilleur que Lazare. Mais le fait de le voir faire tous ces miracles, ça me convainc que moi, dans mon monde spirituel, il peut aussi me guérir et se charger de mes infirmités ou de mes impiétés. C'est ça son but. C'est ça qu'on va voir. Il va dire à un moment donné dans une histoire, qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Le guérir physiquement ou le guérir spirituellement? Il va leur demander la question. Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir dans le monde invisible, je vais faire quelque chose dans le monde visible. Quand vous allez voir cet homme-là se lever, vous devriez croire que je suis capable de vous faire lever aussi spirituellement. C'est ça qui est à son but. Parce qu'on va tous, même si vous ferez des belles guérisons le matin, vous allez tous finir par mourir pareil. Le but, c'est le cœur. On va commencer à en regarder quelques versets. Ça fait une longue introduction, mais on était là pour trois chapitres. Hein? J'ai introduit mes trois chapitres là. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet en regardant les premiers quatre versets, si vous voulez bien, de Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, qu'est-ce qui avait eu lieu sur cette montagne-là? Vous en souvenez-vous? Le sermon sur la montagne. On l'a vu pendant 2 mois. Donc, il y a eu un sermon, là. Jésus a prêché pendant 2 mois. Non, c'est François qui a prêché pendant 2 mois. Lui, il l'a fait, je ne sais pas combien de temps, ça lui a pris, mais il l'a prêché. Et là, lui, il descend pour ça. Il a fini, il descend. Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, il le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Le premier ici, miracle qu'on a, c'est la guérison d'un lépreux. Et le lépreux ici, c'est vraiment symbolique dans l'Ancien Testament, la lèpre. Un lépreux, c'était quoi? Il était banni de son monde à lui. On le chassait de sa maison. On le chassait de son village. On le voyait. Si vous avez vu le film Ben-Hur dans votre vie, on voit les parents de Ben, la mère et la sœur de Ben-Hur qui l'envoient dans un petit village, dans une espèce de place où ce que juste des lépreux. Parce qu'on croyait que c'était contagieux au toucher. Ou autrement. Mais dans l'Ancien Testament, hein, tout lépreux n'était pas juste banni de sa famille, il était aussi banni du temple. Et le temple était le moyen de rentrer en relation avec Dieu. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas aller dans le temple, dans la présence de Dieu, de faire des sacrifices, de quoi que ce soit. Tu n'as plus le droit. Tu es un lépreux. Ici, il y a cet homme-là qui ose, parce que vous savez que c'était tout un exploit de se présenter dans le peuple étant un lépreux. Parce que, il semble, ce que j'ai lu, qu'un lépreux devait faire quelque chose quand il rentrait, qu'il voyait des gens venir pas loin de lui, il devait crier, « Lépreux! Lépreux! » Et les gens s'en allaient plus loin. C'est loin de lui. On se tenait à une certaine distance de ce lépreux-là. Imaginez-vous, vous promenez dans la ville et criez ça. Ça devait être toute une expérience traumatisante. Et là, de façon quelconque, il s'est rendu jusqu'à Jésus. Et là, il y a plein de monde, il y a une foule alentour de Jésus. Là. Fait que, imaginez-vous, essayez de voir ça, si vous avez de l'imagination comme j'en ai, essayez de voir ça. Le gars arrive, il s'arrive vers la foule, puis là, il crie, « Lépreux, lépreux! » Tout le monde s'attend, puis il se présente devant Jésus. Tout le monde s'est éloigné de Jésus. Il n'y a aucun qui ne se tasse pas. C'est celui qui est rempli de compassion. Il n'y a aucun qui ne se tasse pas. Tous les autres se tassent. Ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas le toucher, ils ne veulent pas le regarder. Va-t'en. Mais Jésus, lui, ne bouge pas. Il ne bouge pas de là. Il l'attend. Et le lépreux l'approche et Jésus fait une chose inimaginable. Il le touche. Il le touche. Quelque chose d'impensable dans sa vie. Comment donner qu'il n'avait pas été touché, je ne sais pas. Parce qu'on ne touchait pas le lépreux. Et Jésus le touche. Et il dit, je te rends pur. Je te rends pur. Et aussitôt, instantanément, plus de lèpre. Plus de lèpre. Et cet homme-là, Jésus lui dit, va dans le temple et présente-leur le sacrifice qui est utile à ça, parce qu'il y avait toute une cérémonie. Il avait été chassé à cause qu'il était lépreux. Maintenant, pour être rentré, il fallait qu'il voie des prêtres. Et il fallait qu'ils disent aux prêtres quoi? J'ai été guéri de ma lèpre! Et la question qui venait, c'était quoi? Comment ça? Où ça? Comment c'est arrivé? Où est-ce que c'est passé? Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui m'a guéri. Il m'a touché et il m'a guéri. Rendu un témoignage que ce Jésus-là, c'était le Messie qui s'en est. Ce prophète qui avait été annoncé, il va se charger de notre lèpre. Dans ma compréhension personnelle, je crois que quand Jésus a souffert sur la croix, il a souffert pour ce lèpre-là. aussi. Il a souffert, pas seulement pour les péchés spirituels qu'on a faits. Jésus a souffert aussi physiquement, parce que ça aurait été juste une affaire spirituelle, cette affaire-là. Jésus n'aurait pas eu besoin de souffrir physiquement, mais il a souffert physiquement aussi. Il s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et ici, on a la preuve que s'il peut toucher un lépreux et le guérir instantanément, mais votre petit cœur de lépreux que vous aviez, le mien que j'avais, un jour Jésus l'a touché, puis instantanément, mon cœur est devenu sans lèpre. Donc, deviens-tu lépreux après ça, mon cœur? Jamais. Ce cœur-là est guéri une fois, on lui a enlevé sa lèpre une fois, il est devenu pur pour l'éternité. Il est devenu pur pour l'éternité. Jamais plus il y aura de la lèpre dans ce cœur-là. Jamais plus. La compassion de Dieu pour un lépreux. Et ce lépreux ne méritait pas plus que les autres. C'est pas à cause que tu es lépreux que tout d'un coup, tu es un meilleur gars. Je suis pas mal convaincu que les lépreux dans leur petit trou devaient se battre pour avoir le meilleur du trou. Le meilleur du trou. Tu n'es pas meilleure personne à cause que tu es lépreux tout d'un coup. Les infirmes ne sont pas meilleurs que les non-infirmes. Les handicapés ne sont pas meilleurs que les non-handicapés. Voyons. Hein, on sait ça. Et cet homme-là était... Et toute cette maladie que Jésus voyait dans le monde, toute cette infirmité, toute cette mort, toute cette ténèbre avait été causée par quoi? Par nos péchés. Tant que l'homme n'a pas eu péché, c'était la lumière dans ce monde. Juste la lumière. Juste la lumière qu'il y avait dans le monde. L'homme a péché et les ténèbres se sont répandues sur toute la terre. Toute la terre. Et je crois que Jésus nous montre ici que il y a de la compassion, il y a de la capacité pour des gens comme ça qui sont dans la misère et qui veulent les aider. On va lire à partir du verset 5. Peut-être vous posez la question, pourquoi il dit ne le dis pas à personne? C'est pas facile à comprendre. Différentes opinions, différents enseignants. Ne dis pas à personne. Je crois qu'une des raisons que Jésus l'a fait, c'était pour respecter en partie sa culture. Dans la culture juive, au temps de Jésus, on ne devait pas se vanter de qui on était. Les gens devaient découvrir qui tu étais. C'est pour ça qu'une grande partie des livres du Nouveau Testament, les évangiles, ne sont pas signés. Même raison. Et Jésus ne criait pas. Tu sais, vous avez le petit verset là. Il dit, il ne crie pas dans la rue, il n'éteint pas le mignon infime, là, tu sais, le verset qui parle. On va le voir quand on va passer dans Matthieu, chapitre 12. Il dit, il va passer dans la ville sans faire de bruit, sans crier, sans rien faire. Jésus ne s'est jamais mis sur le coin de la rue et commencé à crier, « Je suis le Messie, je suis le Messie, croyant! » Non, non, il a fait des choses et les gens devaient découvrir qu'il était le Messie. Ils devaient découvrir. Il y a quelques petites fois qu'il va le dire, il le dit à la femme samaritaine qui est dans Jean 4, quelques fois seulement, mais il ne l'a pas dit très souvent, comme nous autres, on a la capacité de faire, nous autres, on parle de nous comme une mitraillette. On parle de nous. Jésus, nous, on signe toutes nos affaires, on les met nos badges, on veut que les gens sachent qui on est. On met des papiers sur les murs, et on rentre dans le bureau, puis wow. Jésus ne mettait pas de papier sur les murs. Il allait dire, je vais juste te faire quelque chose, tu vas savoir qui je suis. J'ai rien contre les affaires sur les murs. Je disais, Navi, allez pas jeter ça. Mais c'était pas leur façon de faire dans ce temps-là. Chapitre, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne, tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Alors, Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus le dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc ici, on a un autre exemple de la compassion de Jésus-Christ avec cet homme-là. Un homme qui a un serviteur malade chez eux, qui a déjà la foi avant de venir en Jésus. Comment avait-il eu sa foi? Dans un rêve, peut-être? Pensez à vous crieriez. Non! C'est pas de même que ça se passe. La Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on... Faut se finir ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. D'une façon quelconque, sans qu'on sache trop, il savait, il connaissait Jésus, il n'avait entendu parler. Et à cause de ce qu'il avait vu, parce que Jésus, c'est dans Matthieu 9, c'est pas ses premiers miracles, hein? C'est pas ses premiers miracles qu'il avait fait avant. Hein? Donc, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu dire que Jésus était capable de faire des miracles, guérir des malades. Il avait entendu dire qu'il faisait des choses spectaculaires. Et lui, il a cru ça. Il a la foi. Il croit que Jésus est capable de faire ça. Donc, il se déplace et il va voir Jésus. Il lui dit, « Veux-tu guérir mon serviteur? » Jésus dit, « Je vais aller avec toi. Allons à la maison. » Et qu'est-ce qu'il répond? « Non, je ne suis pas digne que tu rentres chez nous. Je ne suis pas digne que tu rentres chez nous. Je suis un foutu pécheur. Je ne suis pas digne que tu fasses quoi que ce soit pour moi. Hé, mon ami, il ne faudra pas oublier ça, frère et soeur. Vous ne méritez rien. Je ne mérite rien. Lis ta Bible 5 heures, tu ne mérites rien. Prie 3 heures, tu ne mérites rien. Va à l'église, donne tout ton argent, tu ne mérites rien pareil. Tu ne mériteras jamais rien. » Tu ne mérites rien. On devrait dire ça toute notre vie, pas juste pour devenir chrétien. Seigneur, je ne suis pas digne que tu fasses quoi que ce soit, mais dans ta grâce, si tu veux m'utiliser, dans ta grâce, si tu veux faire de quoi avec moi, je m'offre, mais je ne mérite rien. Je suis un indigne, sauvé par grâce. Dans l'Église, mes frères et sœurs, on ne gagne pas de galons en faisant des choses. En tout cas, pas à mon tremblé. On ne gagne pas de galons en faisant des choses. Je crois que dans le ciel, il n'y a même pas de galons. Pas dans l'armée, c'est un gars. Hein? Les trois gars d'armée, c'est un gars. Pas dans l'armée, c'est un gars. Et Jésus, ici, Jésus, là, c'est Dieu fait chair. Et Jésus, le texte nous dit que Jésus était étonné. C'est toute une affaire que tu dis, tu peux étonner Jésus. Tu peux l'étonner. Tu peux m'étonner, moi, mais tu vas faire. Je ne suis pas dur à étonner. Mais étonner Jésus avec ta foi. Jésus est étonné d'avoir une si grande foi. Ce n'est pas même un juif. C'est un centenier. C'est ça qu'il dit. Pourtant, le gars est en Israël. Là. Il dit, je n'ai jamais trouvé en Israël. Mais ce gars est en Israël. Là. Il n'est pas en Rome, là, Jésus, de ce coup-là. Il est encore en Israël. Là. Parce qu'il est en train de dire, ce n'est pas un Israélite. Ce n'est pas un juif. Ça. C'est un centenier, un Romain. Il y a une fois, il dit que je n'ai jamais vu. Ah, c'est tout une flatterie, hein? J'espère qu'il n'était pas trop orgueilleux, le gars. Moi, en tout cas, j'allais partir chez lui avec une grosse tête. Et quand tu te fais dire par Jésus, pas par le pasteur, pas par ta femme, pas par ton mari, Jésus, Dieu fait chair, te dit, j'ai jamais vu une si grande foi que ça. Wouhou! Ça aura fait ma journée. Peut-être ma semaine même. Puis là, il explique pourquoi. Il dit, moi, je suis un centenier. Puis à cause que je suis un commandant dans l'armée, tout le monde m'obéit. Fais-ci, fais-là, tourne-là, tourne-ci, arrête, pars, viens ici, voilà. Il dit, tout le monde qui est autour de moi, fait ce que je dis. C'est ça, dans l'armée, hein? Quand le capitaine ou l'adjudant ou je ne sais pas si sergent dit, gauche, bien, on s'en va à gauche. On dit, ça va pas à droite. Si tu vas à droite, tu vas faire des pompes, hein? 100 pompes, 200 pompes, 300 pompes. Ici, le gars est en train de dire, je crois que toi, Jésus, tu as le pouvoir sur tout ça. Dis juste un mot, Mon serviteur, même si c'est à 100 km, ou 25 km, ou 1 km, peu importe, même si c'est bien loin, dis juste un mot, et ça va être fait. Parce que tu es le grand commandant. Tu commandes toutes choses, ça. Hey, c'est toute une foi, ça. Hein? Tu commandes toutes choses. Un mot, ça suffit. Et Jésus dit, waouh, tu peux t'en retourner chez vous et guérir. Instantané. À distance. Hein? On est tout à distance aujourd'hui. Tout à fait. Jésus va ouvrir la porte ici aux Juifs tranquillement, parce qu'il va, il faut qu'ils rentrent cette vérité-là dans leur cœur tranquillement, qu'ils ne seront pas les seuls dans le peuple de Dieu, qu'il va en avoir d'autres, hein, des non-Juifs. On va étudier ça quand on va étudier les paraboles dans Matthieu 13. Il va leur répéter ça. Vous ne serez pas tout seul dans le peuple, il va y avoir maintenant des non-Juifs. Hein. Il dit, il va y avoir assis à la table d'Abraham, avec Abraham, comment est-ce qu'il dit ça? Si vous m'avez retrouvé, verset, quel verset? 11. Merci, Patrick. Regardez bien. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, François, assis à la table avec eux autres. Êtes-vous capable de mettre votre nom, là? Ils vont en venir de Mont-Tremblant, de Val-d'Or, du Berdeau, Arundel, Sainte-Agathe. As-tu d'autres, là, j'oublie, là? Rockway. La conception. On peut mettre tous les noms. Ils disent, ils vont en venir de partout. Ils vont s'asseoir, pas dans la deuxième rangée. Pas dans la troisième rangée, là, parce qu'ils sont moins bons qu'Abraham. Ils vont être assis avec Abraham. Parce qu'ils sont de la même trempe qu'Abraham. De la même trempe que... Moi, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que vous ayez la foi du centenier. Pas moi. Si vous êtes des créatures nées de nouveau ce matin, Jésus, vous avez étonné Jésus. Il a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi. Née de nouveau. Miracle. Ça vous prend autant de foi. Puis moi, je dirais, si on pouvait quantifier la foi, je dirais, plus de foi pour être né de nouveau que pour sauver un homme de son mal de ventre. Hein, si on comparerait, on dirait que ça en prend plus de foi. Mais moi, je vous dis, c'est ma compréhension, vous n'aurez jamais plus de foi que le jour de votre salut. Jamais plus. Hein. Il vous a donné une foi assez grande pour faire le miracle de la nouvelle naissance. Si vous avez eu assez de foi pour qu'ils disent, tu nais de nouveau, je te donne, tu fais de toi mon enfant, tu es maintenant dans le royaume de Dieu, je vais te ressusciter des morts, tu vas vivre avec moi dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, je te donne tout le package de Dieu. Si tu as eu assez de foi pour faire ça, tu as toute la foi du monde, mon John. Tu as toute la foi du monde, tu ne pourras jamais en avoir plus. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de foi pour avoir mal, pour avoir tes artères guéris. Voyons donc. Il y a toujours quelqu'un qui me dit, François, tu n'as pas eu assez de foi, c'est pour ça que Dieu ne t'a pas guéri. Je dis, pauvre toi, j'ai eu assez de foi pour qu'il me ressuscite dans tes morts. Il n'y a pas me dire que j'ai pas assez de foi pour être guéri de mon mal de pied. Ça n'a pas rapport avec ma quantité de foi, ça. Ça a juste rapport avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ma foi, j'en ai assez de foi. Vous l'avez assez aussi. Si vous êtes né de nouveau, vous avez assez de foi. Et si jamais quelqu'un vous dit, tu n'as pas assez de foi, c'est pour ça que Dieu ne répond pas. Pas assez de foi, c'est pour ça que tu es encore malade, t'as pas assez de foi. Et mon ami. En tout cas, amenez-moi-les. J'aimerais y parler. Je veux dire, j'en ai assez de foi, mon John. La Bible me dit que je suis assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Il n'est pas obligé de ne pas assez de foi. J'en ai assez. C'est la plus grande, c'est la foi que Jésus donne aux gens. Et je crois que cet homme-là, c'est un bel exemple. Pour nous autres, c'est bon ce matin d'en savoir ça. Parce que, y a-tu des juifs, cet homme-là? Non. Donc, on est correct. Mais si on n'est pas juif, on peut faire partie du royaume de Dieu. Par la foi. Jésus ne vous demandera jamais autre chose que de croire en lui. Il ne demandera jamais autre chose. Hein? C'est tout ce qu'il veut de vous. Crois en moi. Crois en moi. Fais-moi confiance. Crois en moi. quand on fait ça, nous, la Bible nous dit dans Hébreux 11, nous lui sommes agréables. Ce n'est pas quand vous performez que vous êtes agréable à Dieu. Non. Ce n'est pas quand vous performez que vous êtes agréable à Dieu, c'est quand que vous marchez par la foi. Là, vous êtes agréable à Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu par la performance, bonne chance. Bonne chance. Il va toujours avoir quelqu'un autour de vous pour vous dire que vous n'avez pas assez performé. Mais rappelons-nous que notre roi est un roi compatissant. Un roi compatissant. Et on va se rappeler, on va faire ma conclusion avec cette petite vérité-là. À chaque message, on va se rappeler. Est-ce que la compassion de Dieu t'a touché, toi? Est-ce qu'elle est venue dans ta vie, cette compassion-là? Est-ce que tu as goûté cette compassion-là de la part de Dieu? Est-ce qu'il t'a toi-même personnellement guéri de ta maladie? J'espère que tu peux dire oui. Si tu ne peux pas dire oui, je te t'en prie, parle avec quelqu'un, n'importe qui c'est. Tu as déjà goûté la foi, la grâce, la foi de Dieu, ou la grâce de Dieu, ou la compassion de Dieu. N'importe qui ici qui l'a goûté peut te dire comment faire pour l'avoir aussi. Mais maintenant, si, on va voir ça dans Matthieu 10 plus précisément, mais si vous avez goûté la compassion de Dieu, Jésus n'est plus sur la terre aujourd'hui. Physiquement, je parle. C'est nous, son corps. C'est nous, son corps. Et Jésus a encore de la compassion aujourd'hui pour le monde perdu. Et maintenant, il voudrait t'utiliser, toi, pour aller toucher une autre épreuve. Pour aller parler avec un autre centenier. Il veut aller montrer sa compassion à quelqu'un à travers toi. À travers toi. Moi, je dis personnellement, si tu as goûté la compassion de Dieu ou de Jésus-Christ, tu ne peux pas ne pas avoir de compassion pour les perdus. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas de compassion pour ton monde, tu n'es pas chrétien. C'est assez clair? Tu ne peux pas avoir plus clair que ça. Hein? Tu n'es pas chrétien. Parce que c'est la compassion que tu as en toi, ça ne vient pas de toi, ça vient de Jésus. Si Jésus est là, lui, il y en a ta compassion, ça suffit. Il y en a pour toi avec. Et c'est lui, cette compassion-là, c'est ce personnage en dedans de nous, qu'on appelle des fois le Saint-Esprit, ou Jésus, ou Dieu, il habite tout en nous. C'est eux autres qui ont une compassion pour le monde. C'est pas moi, je n'ai pas de compassion en tant qu'être humain. C'est Jésus qui a une compassion pour le monde. Il dit, François, je veux t'utiliser pour toucher quelqu'un, pour emmener un peu de compassion dans ce monde perdu, afin que d'autres puissent comprendre qui je suis. Et être convertis, et être sauvés. Prions. Notre Père du ciel, on veut te remercier ce matin parce qu'un jour tu as eu compassion de nous. Soit que tu nous as touchés ou soit tu nous as laissé te toucher. Mais peu importe. Hein? Dans ta compassion, tu nous as guéris spirituellement. Nous sommes des gens qui ont goûté la compassion de Dieu. Seigneur, ce matin, on a un fardeau pour le monde qui nous entoure. On aurait à cœur, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait qu'il avait à cœur que sa fille soit sauvée. La compassion. On veut que ceux qu'on connaisse, nos enfants, nos parents, nos amis, des gens qu'on côtoie chaque jour, on aimerait donc leur parler de toi. On ne sait pas dire qu'il n'y a pas de lutte, mais dans notre cœur, on voudrait donc. C'est un grand désir. Prends-nous, Seigneur. Utilise-nous. Que ta puissance, qui est l'Esprit Saint qui est en nous, puisse nous diriger, nous guider et nous fortifier afin qu'on puisse partager la compassion de Jésus avec d'autres qui nous entourent. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On va arrêter là, s'il vous plaît. Et on vous souhaite une bonne semaine à chacun d'entre vous.